Que ce soit pour le démarrage, l'acquisition ou le développement de votre entreprise, la SADC Maria Chapdelaine peut vous aider à réaliser vos projets. Notre équipe est là pour vous aider à valider une occasion d'affaires, faire un montage financier, rechercher du financement et même participer à ce financement dans certains cas. Contactez-nous au 276-0405 ou encore via le www.sadcmaria.qc.ca. La SADC vous rappelle l'importance de soutenir nos entreprises locales. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. Après Monaco et Marseille, des biens. Ici Nicolas Martel. Je vous invite du 13 au 16 septembre à venir assister en grand nombre au 48e championnat mondial de pétanque avec plus de 48 pays participants. Également, la tenue du festival des biens extrême avec la plus grosse sourcière au monde, la chaise musicale géante, le championnat mondial de pédalo et plusieurs autres activités seront à l'honneur. De plus, en soirée, trois spectacles de Québec Sim, partenaire majeur de l'événement. Pour achat de billets ou informations, consultez le site web et le Facebook de la ville de Desbiens. Grosse transaction qui est survenue tard hier soir, en début de nuit, Max Pacioretty a été échangé finalement aux Golden Knights de Las Vegas. En retour de Thomas Tatar, également Nick Suzuki qui est un espoir de très très grande qualité et également un choix de deuxième ronde. Et pour en commenter, bon, c'est une table ronde qu'on a, on a regroupé nos deux experts de hockey qui seront de retour cette année. D'abord Marc Fortier, salut Marc. Salut Danny. Et Stéphane Lebeau, salut Stéphane. Salut Danny, salut Marc. On va y aller avec d'abord avec Marc. Comment se trouve la transaction? Moi, je l'ai dit, dans les circonstances, c'est une très, très bonne transaction. Mais les circonstances, c'est Marc Bergevin qui s'est mis là-dedans aussi, là. Ben écoute, c'est sûr et certain que là, on entend une version d'un côté, version de l'autre. Ce matin, Marc Bergevin, en entrevue, semblait dire que c'est Max Pacioretty qui avait demandé une transaction plus d'une fois passée. Je crois qu'on était, on était rendu dans une impasse là, dans le dossier Pacioretty. Ça commençait à sentir mauvais. Alors, Marc Bergevin a dû réagir. Et puis, coup de théâtre un peu cette nuit, là, un échange. Mais écoute, là, on fait de la spéculation sur la qualité des joueurs qui s'en viennent. Tatar, c'est un gars qui a quand même beaucoup de talent. Il a marqué entre 20 et 30 buts là, lors des quatre dernières années, dont une saison de 29 buts. Est-ce que ça va fitter avec le Canadien? Ça semblait pas fitter avec Gérard Gallant dans le style de jeu de Gérard. Mais c'est sûr et certain que si ce gars-là se met à jouer à ses capacités, il peut aider le Canadien. Alors que Suzuki, ben c'est un jeune espoir. Tu sais, on regarde toujours les stats, hein? Puis c'est un gars qui a eu des belles stats quand même dans le junior majeur. Il a quand même 100 points, 40 buts dans la Ligue junior de l'Ontario, ce qui est pas facile à faire. Alors, attendons voir, mais on connaît le potentiel de Pacioretty. C'est un gars que, s'il est bien alimenté avec un bon joueur de centre, il peut facilement marquer 40 buts. Ah, c'est clair. Puis c'est surtout que moi, je les compare. Écoute, Max Pacioretty, c'est un Phil Kessel. On l'a souvent dit, il y a une comparaison. Et là, Max Pacioretty, il va avoir d'autres joueurs autour de lui. La production offensive, Stéphane, ne sera pas juste sur Max Pacioretty, là. Non, ça c'est certain. Je pense que une équipe beaucoup plus équilibrée à Las Vegas qu'à Montréal, mieux entourée, surtout avec l'addition de Stachny. Maintenant, là, Pacioretty, l'année passée, a eu des moments difficiles. Peut-être que le fait qu'il signe un nouveau contrat aussi, là, 28 millions pour 4 ans, va lui enlever un peu cette pression-là. On sentait là que c'était son moment à lui de sécuriser peut-être son avenir. Et ça le tracassait un petit peu, surtout l'an passé. Baisse de régime, mal encadré peut-être au niveau des joueurs de centre. Oui, c'est un joueur qui peut connaître une grosse saison, mais c'est un marqueur, c'est un buteur, sans dire que c'est un joueur unidimensionnel, Max Pacioretty. Sa grande qualité, c'est d'amener la rondelle au filet, de marquer des buts. Pour le reste, c'est pas lui nécessairement qui rend ses coéquipiers meilleurs, mais c'est un joueur dangereux. Et là, à ce moment-là, il faut quand même que le Canadien trouve une façon de combler les pertes de ses buts, parce qu'ils vont... Ouais, on peut penser que Pacioretty en forme, c'est encore 20, peut-être 30 buts, mais cette perte-là, là, on espère que Tatar va contribuer d'une certaine façon à combler cet écart-là. Marc, le Canadien, il a 60 buts de moins, là, quand on parle de Galchenyuk et également Pacioretty. Est-ce que tu penses que le Canadien est une meilleure équipe? Certainement pas, hein? Ben, c'est sûr que non, dans le sens que, tu sais, quand même, Pacioretty, c'est un gars qui amenait ses statistiques, Galchenyuk également. Suzuki n'a pas encore rien fait, n'a pas encore rien prouvé, il n'est même pas établi encore comme il faut dans la Ligue nationale. Tatar, ça semble être un joueur qui est capable du meilleur comme du pire, je pense, dans l'effort. Espérons que ça va mieux cadrer. Mais, tu sais, dans cette transaction-là, comme tu l'as dit, il y avait un peu un impasse. Le Canadien se retrouve encore l'année prochaine avec 10 choix au repêchage. Ils ont semblé prendre une nouvelle tangente, s'en aller pour rajeunir, reconstruire un peu l'équipe. Alors, est-ce que ça va être profitable à long terme pour le Canadien? Je pense que oui. Mais c'est sûr qu'à court terme, le Canadien va peut-être s'ennuyer un peu cette histoire-là. Ah, c'est clair. Mais quand on regarde ça, Stéphane, ça dépend toujours du développement. Et là, le développement est en bonne main avec Joël Bouchard. Moi, j'ai confiance. Moi, je suis quelqu'un. C'est sûr qu'il n'a pas fait de grosses transactions. Il n'en a pas fait. Mais le meilleur geste qui s'est passé cet été de la part de Marc Bergevin, c'est l'arrivée de Joël Bouchard. Moi, je pense que la dynamique va changer puis le développement va être bien meilleur à Laval avec Joël Bouchard. Bien, la dynamique va changer de toute évidence et puis il faut changer les mentalités. Je suis d'accord que c'est une belle addition pour le Canadien de Montréal, mais il se trouve quand même assez bas dans la hiérarchie. Bon, déjà au camp d'entraînement des recrues, il a fait sentir sa présence. On veut frapper sur le clou de l'attitude. Joël, c'est un entraîneur très intense, mais est-ce que c'est lui qui va prendre les décisions? Je ne le sais pas. Mais somme toute, le Canadien maintenant se dote d'une meilleure banque de jeunes et l'arrivée de Suzuki va venir rajouter un jeune potentiellement intéressant, mais maintenant, tous ces jeunes-là, ils se doivent de prouver leur valeur. Ils l'ont fait dans les rangs juniors, ils l'ont fait en Europe. Maintenant, comment ils vont se développer sur les glaces de la Ligue nationale et dans le niveau de la Ligue nationale? Et de toute évidence, un changement de culture, une culture un petit peu gagnant, poussée vers l'excellence, que Joël va amener, peut juste être bénéfique. Mais même si je crois que Joël va faire une différence certaine, ça prend quand même des joueurs de qualité à la base, parce que même Joël Bouchard ne sera pas capable de transformer un McCarron en premier joueur de centre du Canadien, malgré sa bonne volonté. Ça prend des bons jeunes, et là, c'est ce qui devient intéressant avec le Canadien, c'est qu'au moins, on met sur plusieurs bons prospects, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont tous réussir à atteindre le niveau espéré qu'on souhaite de voir d'eux. Ben, on dit qu'un bon repêchage, c'est normalement, c'est un excellent repêchage, c'est 3 joueurs qui étaient dans la Ligue nationale, un bon, c'est 2, puis le minimum, c'est 1 par année. Donc, si on réussit à avoir 2 joueurs par année, et je pense que là, McCarron, on oublie ça, je pense qu'il ne fait plus vraiment partie. Sherback, on le sait pas, Nicolas Sherback. Mais la nouvelle vague de jeunes, Marc, elle commence l'an dernier avec les Ryan Pelling, les Josh Brook et Kaelin Fleury à défense également. C'est à partir de ce moment-là que la nouvelle cuvée des jeunes, c'est à partir de ce moment-là, Marc. Hein? Oui, puis c'est quoi, au bout de la ligne, là, Marc Bergevin, ça va peut-être écouter sa job, là, mais il est en train de faire ce que toute organisation devra faire à un moment donné quand il arrive un peu là dans le fond du baril. Là. C'est-à-dire d'y aller par le repêchage. Il faut malheureusement finir dans les bas-fonds pendant une couple d'années pour avoir des premiers choix bas, tôt, et espérer également que la cuvée soit bonne. Parce que t'es bien beau avoir un choix de première ronde. Je te donne l'exemple de l'année, justement, de Galchenyuk. Le first overall, là, c'était Yakupov. OK? Ouais. Ça n'a pas été une bonne cuvée. C'était pas une bonne cuvée cette année-là parce que tu n'avais pas de joueur exceptionnel dans ce repêchage-là. Alors, l'équipe qui repêchait premier ne se sont pas améliorées autant que l'année de McDavid, l'année de Kane, de Crosby, name it, là, tu sais, des bonnes. Quand le timing est bon, tu arrives, tu finis dernier, puis tu pognes un joueur exceptionnel, tu sais, ça peut être bon. Buffalo, Dallin semble un bon joueur, ça va être profitable. Mais tout ça pour dire que la philosophie que le Canadien prend présentement, c'est quelque chose que les Penguins de Pittsburgh ont fait, c'est quelque chose que les Maple Leafs de Toronto ont fait, que les Oilers d'Edmonton ont fait, que les Blackhawks de Chicago ont fait pour devenir une puissance de la Ligue nationale, c'est une chose qui n'est pas acceptable à Montréal à cause de la pression médiatique, de la pression des fans qui n'acceptent pas que le Canadien soit médiocre parce que c'est l'équipe, c'est la dynastie dans le monde du hockey. Mais c'est peut-être un mal pour un bien. Et puis, malheureusement, si ça coûte la job à Marc Bergevin, mais que à partir de là, le Canadien remonte la pente, ben regarde, ce sera avantageux pour le Canadien. Stéphane, c'était ça le plan de Marc Bergevin? Parce qu'on a parlé de plan, de plan, de plan, de plan et de plan. Est-ce que c'était ça le plan de Marc Bergevin? Moi, si c'est ça, je l'ajoute parce que ça fait 25 ans que ce club-là tourne en rond. Donc, moi, je le jette, ce plan-là. Moi, je pense que c'était pas le plan de Marc Bergevin. C'est peut-être le nouveau plan de Marc Bergevin qui s'est fait mettre beaucoup de pression par l'organisation parce qu'ils ont bien réalisé, là, après son mandat, ça fait 6 ans qu'il est en place. Il a pris une organisation en piètre état et 6 ans plus tard, son organisation est encore en piètre état davantage qu'elle l'était. Donc là, on réajuste le tir. On veut peut-être justement rajeunir l'équipe. Il refuse d'utiliser le mot « rebâtir », mais ça ressemble beaucoup à ça. Et puis Marc, il vient juste de bien le préciser, là, on met les chances sur notre bord lorsqu'on bâtit par le repêchage et surtout lorsqu'on est capable de finir dans le bas de classement et puis de repêcher tôt. Mais en même temps, ce n'est pas toujours gage de succès. C'est là que c'est important d'avoir des bons hommes sur le terrain et de repêcher à la base des bons joueurs. Marc a également mentionné plusieurs bonnes équipes. Toronto, là, avant qu'ils mettent la main sur Auston Matthews puis Nylander, ils en ont fait des repêchages, ça n'a pas fonctionné. Les Oilers d'Edmonton, ils ont fini dans le bas du classement. Puis même avec un McDavid, en passé, ça a été plutôt difficile. Fait que moi, je suis d'accord avec cette stratégie-là dans le contexte du Canadien de Montréal actuellement. Sauf que je me garde une petite gêne parce que je me dis tous les bons joueurs qu'on a repêchés depuis 2 ans puis cet été, bon, ben oui, là, on les regarde aller puis on s'excite rapidement, mais quelles seront leurs vraies valeurs éventuellement? Pour moi, j'ai encore pas un petit bémol, mais c'est pas dans le sac encore. Donc, ça va dépendre de la tangente que ces prospects-là vont prendre, mais on se donne plus de chances. Mais ça ne veut pas dire que le Canadien est sorti du sac. C'est pour ça que Marc, il sait très bien que le Canadien va souffrir encore pendant quelques années. D'où Marc Bergevin pourrait perdre un petit peu son poste ou se faire congédier. Et on pourrait récolter plus tard. Mais on s'attend que ça ne sera pas pour... Les jeunes prospects ne vont pas arriver à Montréal avant 2, 3, 4 ans. Je parle du développement. J'ajoute le développement. C'est aussi important que de bien développer. Là. C'est une autre affaire, là. De bien repêcher, c'est-à-dire c'est bien beau bien repêcher, avoir un bon choix, mais il faut que tu développes bien. Et ça n'a pas été le cas. C'est là que je dis que l'importance de l'arrivée de Joel va changer bien des affaires. Marc, tu as parlé beaucoup de Marc Bergevin, son poste va quitter. Ce matin, hier, il y avait un article que les billets ne se vendent pas. Et les gens à Montréal veulent la tête de Marc Bergevin. Le fait que les billets ne se vendent pas, penses-tu que ça peut être le coup fatal pour Marc Bergevin? Il n'y a pas d'engouement, et ainsi de suite, puis les gens tiennent Bergevin responsable de tout ça. Est-ce que tu penses que c'est ça ou dans le fond, là, Jeff Molson est très conscient du plan de Bergevin et est prêt à vivre avec ça? Ben, moi, ça me surprendrait que les gens disent on n'achète pas nos billets à cause que Marc Bergevin est encore en place. Non, mais c'est le bouc émissaire pareil. Là, les gens sont... Oui, mais c'est bien plus par rapport aux performances. Mais même là, je serais surpris que, parce que ça peut arriver que les billets de saison ne soient pas tout vendus, là. Mais on entendait parler avant qu'il y avait des listes d'attente pour avoir des billets de saison. Moi, je crois qu'il va y avoir bien plus une situation, un mix dedans. Tu sais, à un moment donné, là, ton dollar de divertissement, Danny, là, tu veux peut-être le mettre ailleurs quand l'équipe performe pas. Là. C'est plus comme avant où que les compagnies là, avaient des 7-8 billets de saison, des loges, puis ça finissait plus, puis que le Canadien il performait bien, puis ça allait bien, c'était bien le fun. Là. Mais là, t'as d'autres attractions qui peuvent être intéressantes. Puis lorsque l'équipe que tu veux aller voir ne performe pas, t'as moins d'intérêt, mais peut-être que t'es intéressé à dépenser ton dollar du divertissement dans un autre événement. Alors, la situation économique peut faire aussi qu'il va y avoir moins de billets de saison vendus avec justement la contre-performance du Canadien depuis une couple d'années. Ça peut être ça, mais je pense pas que quelqu'un va dire à cause de Bergeron. Non, c'est sûr, mais c'est parce que quelque part, c'est parce que l'équipe se vend pas. Hey, dernière question, Stéphane. Les Golden Knights de Las Vegas sont-ils meilleurs avec Max Pacioretty et Paul Stastny qu'avec James Neal et David Perron? Si on rajoute la Stastny au centre avec eux, je pense qu'ils se sont pas affaiblis de toute évidence et ils se sont légèrement améliorés. Maintenant, il va falloir encore une fois là, que Pacioretty redevienne un compteur de 30 buts pour que ça se réalise. Mais et puis Stastny, je pense qu'il va faire aussi une belle différence sur leur ligne de centre. Donc les Golden Knights, ça serait quand même étonnant qu'ils répètent ce qu'ils ont fait l'année passée. Ah ouais, c'est clair. Ça va devenir, ça va quand même demeurer une équipe qui peuvent aspirer là aux séries éliminatoires selon moi. Marc est pas là? Oh, Marc est parti. Donc, Stéphane, un gros merci quand même. Donc, je sais pas, on a pas eu la communication avec Marc Fortier. Stéphane, un gros merci. Puis on s'en reparle sûrement durant la saison. Ben, ça me fait plaisir, Danny. Voilà, bientôt. Donc, Stéphane Lebeau et bye. Marc Fortier qui commentaient la transaction de Max Pacioretty.